Chapitre 10e. La vie, même la plus dure, est le trésor le plus beau, le plus magnifique, le plus miraculeux du monde. Pitirim Sorokin. Après l'ouverture du coffre, la question s'était posée de savoir ce qu'il convenait de faire de son contenu. Le roi Imrold, à ma demande, avait délégué des dépêches pour convoquer un conseil d'érudits et de représentants de chaque peuple. L'audience devait avoir lieu le surlendemain. Fort heureusement, cela me donnait le temps de me reposer car le feu de Tully semblait vouloir me prendre tout entière parfois. Lorsque Tully le décidait, je ne pouvais plus faire un pas, ni même respirer tellement sa puissance me terrassait. Je ne désirais pas en parler, essayant d'engager un dialogue avec lui, comme j'étais arrivé à le faire parfois. Mais rien n'arrivait à calmer cette douleur qui m'envahissait si soudainement sans que je sache ce qui la déclenchait. Parfois je percevais le regard soucieux de mes compagnons, celui du grand roi. Mais nul ne posait de questions, comme il se doit, en pays elfique. La veille du conseil, je ne pus maîtriser la douleur et m'effondrai pitoyablement, la tête la première dans un des corridors menant à la grande salle voûtée. Je me retrouvai dans ma chambre, mon épaule droite enrobée d'argile, d'herbe et d'onguents. Un autre bandage entourait le sommet de la tête, dont le front blessé, plus que l'épaule, me rappelait la stupidité lamentable de ma chute. Ylfgur veillait, en marmonnant de vieilles chansons guerrières. Au mouvement que je fis en revenant à moi, il bondit sur ses pieds avec une exclamation mélodramatique que seul un nain peut rendre crédible. Ninmour et Smarin arrivèrent bientôt suivis de près par le sage Ulgar. Un long conciliabule s'ensuivit sur mon état. C'est Ylfgur qui, en venant me chercher pour le premier déjeuner, m'avait trouvé ensanglanté de la tête aux pieds. En réalité, en tombant, ma tête avait heurté le sol en premier. Me rassura le sage Ulfgar. Ce qui expliquait la bosse qui s'y trouvait et l'océan de sang qui gargouillait autour d'elle, renchérit Ylfgur d'un air vindicatif. Le roi Imrold arriva sur ses entrefaites. Il resta un instant, quasi silencieux, entre Ylfgur, qui discutait avec Ulgar, de mon état actuel passé et futur. Dinmour et Svarine tentaient de calmer Ylfgur et d'interroger le sage Ulgar sur la gravité de ma blessure. Le soir venu, comme la douleur revenait, on me donna à boire une potion qui, étrangement, me calma rapidement. Je regardai le sage Ulgar et murmurai en tentant sourire qu'il devait plus ressembler à un rictus. Si j'avais su que cette potion était magique, je vous en aurais demandé plus tôt. Vous auriez dû, répondirent en chœur Ylfgur et Dinmour. Svarin resta silencieux, mais son regard semblait changer, comme s'il savait ce qui m'empêchait de parler de Tully. Je m'assoupis sans doute, car je n'ai aucun souvenir du départ de mes compagnons. À mon réveil, je ne vis dans la pièce que Svarin et le roi, engagés dans un dialogue quasi silencieux. Lorsqu'ils virent que j'étais réveillé, Svarin salua le roi Imrold, puis sortit, et celui-ci, sans un mot, se tourna vers moi. « Je suis désolé, susurrai-je. Vous serez mieux bientôt. Je ne sais pas ce que veut Tully. Lui, il le sait. Le temps viendra où il vous le dira. »« Le temps n'existe pas pour lui, » murmurai-je. Mais je m'endormis, je crois, avant de finir la phrase. Le lendemain, je me sentais bien mieux. La blessure à la tête était bénigne, si ce n'est une belle bosse bleutée. L'épaule me faisait bien moins souffrir et Ulgar me recommanda de garder dans la main une pierre d'hématite qu'il me donna. Puis, sortant de l'une de ses nombreuses poches un mince paquet, il me le tendit en disant simplement « Voici un courrier pour vous de la part du noble prince Irimald. Un héros venant d'Arnancor vient de l'apporter pour vous. » Le paquet contenait une lettre de mon ami. Jointe à la lettre, dans une pochette de soie, se trouvait une pierre de lapis lazuli montée sur un pendentif d'une texture inconnue, semblable à un fil d'or tressé, mais d'une matière végétale. Lorsque j'enfilai le pendentif, le fil s'adapta à mon cou et quelques minuscules feuilles se déployèrent sur les épaules, me procurant un bien-être étrange, comme si un léger courant passait à travers mes épaules pour détendre mes nerfs endoloris. Le soir, Svarin, en tunique d'apparat grenat soutachée d'or, vint me chercher pour me guider jusqu'à la salle du conseil que je n'avais pas encore eu l'occasion de découvrir. À la fin d'un large corridor qui me sembla long et descendant légèrement en pente douce, le seigneur Svarin, jusque-là en silence, se tourna vers moi et dit avec une fierté discrète « N'est-ce pas là, Dame Elgara, un lieu d'une profonde beauté ?» J'étais ébloui. j'avais découvert la caverne en gemme d'améthyste avec stupeur et émerveillement. Cependant, devant le salon du conseil, je ressentis le choc de la surprise, mais aussi celui des vibrations qui émanaient du lieu même. Qui peut décrire avec des mots d'humania le spectacle somptueux de la salle à ciel ouvert, ou plutôt à eau couverte? Nous nous trouvions au seuil d'une immense bulle immergée au fond du lac souterrain de Trollvat. La bulle émanait de cristaux longs et transparents qui, plantés en terre tels des arbres, se ramifiaient dans leur canopée transparente. La frondaison pourtant appartenait bien au règne minéral. Le feuillage était constitué de cristaux translucides de toutes les dimensions. On n'arrivait pas, tant la voûte était limpide, à savoir où se trouvait la limite entre le fond du lac et la voûte cristalline. Je restais de longues secondes en admiration devant le spectacle des eaux et des cristaux qui se rejoignaient, lorsque, de toutes parts, arrivèrent les invités à l'audience. Je fus une fois de plus ébahi de constater le nombre de participants à ce conseil. Comment tant d'elfes peuvent-ils se rejoindre si rapidement dans un lieu, à un moment précis, alors que ce lieu semble inaccessible, désert, voire secret et mystérieux? Les elfes disent eux-mêmes qu'un lieu n'est secret et inaccessible que lorsqu'il doit l'être. Il peut ne plus l'être pendant un temps donné, puis redevenir impénétrable et hermétique. C'est encore pour moi un des mystères insondables de la pensée elfique. L'audience fut solennelle comme il se doit en présence du monarque. Comme toujours, lors de ces déconcertantes solennités, je fus touché par le somptueux cérémonial. C'est à ce moment-là, précisément, que je me suis rendu réellement compte de ma nouvelle position et de l'étrange place que j'occupais désormais au sein du peuple elfique. C'est dans ce lieu, à Xantir, l'île du roi, que je compris que la quêteuse et l'humaine fée disparaîtraient bientôt pour laisser définitivement la place à l'Elgara. Je pressentais aussi que ni la souffrance et les difficultés ne pourraient m'arrêter, ni suspendre la marche de ma définitive destinée. Les premières questions, rapidement évoquées, concernèrent le trésor de pierres et de métaux précieux, et l'on me demanda ce qu'il me plaisait d'en faire, puisque cela m'appartenait. Je proposais de le mettre dans un lieu quelconque en attendant de décider qui en aurait le plus besoin. Cependant, je désirais garder avec moi de deniers d'or aux armes des comtes de Toulouse. On me les apporta, comme s'il s'agissait d'une relique d'une extraordinaire valeur. Ils avaient été disposés dans un coffret de bois de rose, à l'intérieur duquel était scellé un coquillage couleur d'opale aux teintes changeantes. Le roi lui-même procéda au rituel qui empêcherait tout autre que moi d'ouvrir le coffret. Je décidai de faire porter la dague et le surcot à Arnancor, où, me semblait-il, était mon foyer en Elfinie. Je ne pus m'empêcher de sourire lorsqu'un des sages remit un à un en garde les objets avec ordre de les déposer en la demeure de l'Elgara. Ma demeure était une minuscule pièce de la bibliothèque royale, et encore avait-on eu bien du mal à me faire accepter cet aménagement, qui ne comportait de confortable qu'un lit et une table de travail assortie d'un étroit banc. Me voyant sourire, le roi Imrold fronça imperceptiblement les sourcils avec un air impénétrable, mais ô combien évident pour la rebelle Elgara. Nous avions eu tellement de discussions à ce sujet. Les sages me conseillèrent de garder le sceau et le nécessaire à écrire afin d'en faire usage, comme il convient lorsqu'on reçoit un présent d'écriture, quel qu'il soit. Je ne savais pas à quoi devait me servir le sceau, mais il m'était précieux, comme le reste, puisqu'il venait de ce grand seigneur, si proche de moi et pourtant si lointain. Il fut convenu que la liasse de manuscrits et le livre d'Al-Azeni, que personne n'avait encore compulsé, seraient mis en lieu sûr. Il serait ensuite traduit et étudié, afin de savoir ce que m'avait légué le chevalier, qui, visiblement, savait que quelqu'un était destiné à recevoir et faire usage de ces documents. Je remis solennellement les parchemins au roi Imrold, qui lui-même les replaça dans un coffret et scella le tout avant de le remettre au conseil. Les sages devaient les acheminer vers la bibliothèque de Xantir, où il serait plus aisé de les étudier. L'audience fut suivie d'un banquet informel dans une salle attenante, la salle de cristal. Cette salle, bien que plus modeste, était imposante de par le sobre granit rose de la voûte et des murs qui contrastaient avec la richesse des tables combles de mets les plus raffinés. Je tentai de me glisser auprès de Ylfgur, que j'entendais broder gaiement autour de la découverte du trésor sacré comme il l'appelait. Le roi Imrold, d'un geste péremptoire, m'assigna une place auprès d'un érudit que j'avais rencontré lors de mes recherches à la bibliothèque royale d'Arnancor. Prétendre que nous étions alors amis est beaucoup dire. Je restais pour lui l'humaine fée, et il demeurait pour moi cet érudit pénétré de savoir et de connaissance. Cependant, sa compagnie se révéla agréable, riche de découvertes, et au bout de quelques instants, je ne regrettais plus du tout la compagnie de Hildgur, si plaisante soit-elle. J'appris par cet érudit que la langue occitane était connue de certains érudits en Elfinie. Lui-même ne parlait que le gaélique et le norrois, mais il savait que l'érudit de ses amis n'aurait aucun mal à traduire les documents. Il me fit connaître l'importance du traité d'optique de Alazeni, le livre qui se trouvait dans le coffre. Il était enthousiaste à l'idée de pouvoir déchiffrer un de ses écrits, non disponible en Elfinie. Il entreprit de m'expliquer l'importance scientifique de ses travaux autour de la perception et de la réfraction des formes. Il y avait en tout 7 volumes qui exploraient un grand champ scientifique allant de l'anatomie de l'œil à la psychologie, de la réfraction de la lumière, à la perception des couleurs et bien d'autres aspects encore. La question était de savoir quel était le volume trouvé dans le coffre et... J'étais si absorbé dans notre conversation que je fus surpris de percevoir autour de nous un silence soudain. Le vieux sage s'interrompit lui aussi soudainement. Il porta les deux mains à son cœur, comme il est coutume en Elfinie, pour reconnaître et mieux percevoir le pouvoir et la parole du roi dans un moment sacré. Je fis de même. Le roi annonçait pour le lendemain son départ en compagnie de quêteurs vers le nord-est, jusqu'à la pointe du dragon couché. Comme il est de coutume, ceux qui désiraient se joindre à cette nouvelle quête se levèrent. Mes amis Ylfgur, Svarin et Dinmour se levèrent en premier, puis le sage Ulgar d'un geste lent se leva, ses yeux pétillants de malice. Le grand roi, l'air mystérieux, se tourna vers moi. « Allons connaître les dragons !»